d'aller chercher un livre. Ouais, bulle de rêve, bonjour à tous. Oui, il y avait un petit quelque chose en plus à la fin du morceau, je me suis fait piéger, j'espère que le groupe ne m'en voudra pas d'avoir coupé légèrement cette petite bêtise qu'ils avaient mis à la fin, et on s'était dit en plus qu'on allait couper, et j'ai complètement oublié, donc voilà comment on arrive. C'est un groupe, si vous l'avez... J'espère qu'ils deviendront célèbres, comme ça vous pouvez dire que vous l'avez entendu pour la première fois sur Radio Libertin dans Bulle de Rêve. Le groupe s'appelle Amerde, pourquoi pas. La chanson s'appelle Christmas for your butt, donc Noël pour votre, pour vos fesses. Et donc la chanson, en fait, vous souhaite un abcès sur les fesses pour Noël. Dynamique et énergique pour commencer cette nouvelle émission, pour vous souhaiter une bonne année. C'est la première de Bulle de Rêve, donc voilà, une excellente année à vous tous. Pourquoi ce groupe? Le groupe est mené notamment, enfin pas mené, mais l'une des personnes à l'intérieur s'appelle Thomas Machard. Thomas Machard, c'est un ancien de l'ESAT, il fait de l'animation et aujourd'hui il est dans le studio Train-Train dont je vous ai souvent parlé ici même. Donc voilà. Que faire après une émission exceptionnelle comme celle qu'on a vécue tous ensemble juste avant les fêtes pour Noël, où deux émissions, 4 heures, nous avons fait une émission en direct, une émission que je n'ai pas réécoutée sauf des petits bouts. Je suis un peu saoul à la fin, mais je crois que ça va. Je crois que ça va quand même, malgré tout, malgré ce que dit Francis Gavel, qui, comme vous le savez, traîne toujours à Radio Libertaire un petit peu. Il y a toujours un bout de Francis Gavel quelque part. Et il est là, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me suis dit justement, on a fait une émission qui était assez étonnante, enfin moi que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et ben, je vais faire une émission tout seul. Symbole de mon égocentrisme, je sais. En fait, c'est que je me suis dit, bof, la flemme d'avoir des invités. Je me suis dit, tiens, allez, si on faisait une émission un peu improvisée, après tout, qu'est-ce qu'on peut faire après une émission de 4 heures bien mis en place, faisons une émission improvisée. Donc en fait, l'idée, je vais tout vous dire, j'ai des thèmes, là, sur un petit cahier, sur mon ordinateur, et puis tel un éditorialiste qui n'aurait rien préparé, je vais lancer des thèmes pour moi-même, je vais essayer de me les rattraper, je vais me dire, ben voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? J'espère que ça sera pas trop ennuyant, il y aura plein de musique entre-temps, vous inquiétez pas, on va s'amuser, on va voir un peu comment on peut mettre ça en place. L'idée, c'est de vous passer aussi de la musique. Il y aura pas de nouveautés, c'est que des morceaux qui datent de il y a longtemps, il y a très longtemps, il y a un peu moins longtemps, des morceaux que j'ai pas eu le temps de vous passer, des morceaux que j'aimerais bien vous passer, qui sont un peu plus longs. Et là, on commence déjà avec sûrement l'une des plus belles voix qui existait et qui existe encore, dans une version très très étonnante, je trouve, en tout cas un peu plus dure que celle qu'on connaît, beaucoup plus un côté un tempo voilà, plus énergique que sa version qu'on connaît. C'est Nina Simone pour My Baby Just Cares for Me. C'est un live à Montreux, donc, et vous allez voir, je trouve que 6 minutes, il y a une douceur normalement dans la version originale, et là, il y a peut-être aussi toute la vie de Nina Simone et toute la difficulté qui ressort, je trouve, dans cette version. Donc, Nicolas, on écoute My Baby Just Cares for Me, Nina Simone, à tout de suite. My Taylor's not his style. Even Sally Burton's smile. Something he can see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. version incroyable, je trouve, de My Baby Just Cares For Me à Montreux de Nina Simone. Alors qu'est-ce que je fais? Je me tue, je l'avale ma plume, je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste. Et puis un jeudi, je me suis dit, je lui dis, peut-être que vous avez reconnu, beaucoup moins bien interprété évidemment que Nougaro lui-même, un petit bout de plume d'ange. Alors et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le cinéma d'animation? On s'est plaint, moi le premier, on a râlé pendant des années. Ah là là, on est mal placé, qu'est-ce qui se passe les gens? Et puis maintenant, les gens commencent à apprécier le cinéma d'animation, il est un peu partout. Il y en a au César, il y en a pas comme on le voudrait, mais c'est quand même présent. Il y en a à Cannes, il y en a à Berlin, on l'a dit, hein, le film d'ouverture de Berlin sera un film d'animation. Il y a des gens qui sont maintenant abonnés. Quelle production de Sacre Bleu production ne va pas à Berlin chaque année une, encore cette année avec Virgin Keaton. Des réalisateurs aussi sont abonnés de plus en plus, voilà, d'animation se retrouvent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Est-ce qu'on laisse aller? Est-ce qu'on laisse faire que les choses avancent tranquillement, ou est-ce qu'on décide de bouger un tout petit peu les murs? On essaye d'avancer. Cette réflexion, ça fait un bout de temps que je l'ai dit et je la pense, et je pense que il y a des choses qu'il faut mettre en place. Je vais vous dire quelques petites choses que certains de vous ont peut-être lues. Quelques courts-métrages et des remarques sur des courts-métrages. À l'horizon, d'Isabella Bartosik-Burkhardt, film d'atmosphère. Il n'y a rien à dire dans les films d'anime, à part une meuf qui souffle et la mère qui mère, contemplatif, trop fatigué pour apprécier certainement. Je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Laurent Bounic, réalisateur, a sorti, quelque chose qui lui a fait beaucoup de publicité, en tout cas on en a beaucoup parlé. Il aura regardé les 155 DVD, 150 films du coffret César. Il a attendu le dernier, malheureusement pour nous, pour regarder les Césars du court-métrage d'animation. Mais comme dirait mon collègue Francis Gavel, au moins, lui les a regardés. Et pas comme certains, il ne les a pas oubliés dans un fond du coffret. Je peux vous dire quelques-uns des autres commentaires. Alphonse Segard de Catherine Buffet et Jean-Luc Gréco. Bon, le bruitage, je les vois pas possible. Quant au dessin, je pleure. Faudrait qu'ils mettent les bandes dessinées de Julie Doucet et ses histoires aussi d'ailleurs. Décorado d'Alberto Vasquez me rappelle Blanquet en bande dessinée. Je plonge complètement destroy, Donald en poivreau à voir absolument. Diamanteur de Chloé Masdo, ça commence comme un conte, ça vire à l'image animée, ça me casse les couilles. Le futur sera chauve. Bon, le réalisateur est obsédé par les tifs. Ça se veut marrant. Le dessin est trop simplinette pour que je m'y accrochette. I want to be Pluto again. Parfois, ça veut ressembler à ceux de Satrapi. Oui, Laurent Bounic n'a pas compris, en fait. Le dessin animé, c'est pas du dessin de BD. Et en fait, lui, il connaît qu'une chose, c'est dessins en BD. Il aurait été intéressant qu'il nous parle. Et c'est plutôt bien de critiquer ces films, au contraire, comme je le dirai après, mais ça aurait été plutôt bien de les comparer à des mauvais films, peut-être du même coffret César. Il aurait été intéressant plutôt de les comparer juste à de la BD. C'est un peu simpliste, non, comparer dessin et dessin, mais bon. Parfois, je m'endors, mais c'est normal. Il avait pas fini, hein, pour I Want To Be Plutôt Again. Dans le même truc, un mec génial en bande dessinée, Dave Cooper. Dave Cooper, je suggère plutôt que ce film, je vous conseille moins Dave Cooper, il était avec moi au jury animé, c'était pas terrible. Le dernier minute, Benoît Cheux, il a aimé. Donc ça tombe bien, Sacre Bleu a bien aimé aussi ton poste. Love de Reka Bukshi, du cul. Les obsédés, rentrez votre truc, c'est pas le genre du film, mais très belle animation, très brio réussi, etc., etc. Ni le scénario, vite le suivant, ça ne dure que 6 minutes. Alors il y en a qui trouvent, et d'autres qui ne trouvent pas. Il a aimé Pépé le Morse. Monsieur Laurent Bounic a eu raison de faire ça. Évidemment, comme dit... Denis Valgenvitz dans un poste à un moment donné, sur un poste du même Francis Gavel, à un moment donné il dit, mais on n'est pas en sucre, surtout n'hésitez pas à nous critiquer, la plupart des gens le savent et la plupart des réalisateurs, certes que c'est important de critiquer, si l'animation veut un jour passer à sûrement autre chose, on a besoin d'avoir des gens, ici même on a tenté, c'est difficile de le faire, mais de critiquer, d'écorcher les films. Peut-être pas de cette manière-là, mais après tout, tous les autres sont aussi critiqués de cette manière-là, donc c'est peut-être pas Laurent Bounic par rapport là au film d'animation, mais peut-être par rapport à sa démarche. Est-ce que ça vaut le coup de voir 150 films? Est-ce que c'est une envie réelle, ou est-ce que c'est une envie de quelqu'un qui n'a jamais été vraiment nominé, ou qui n'est jamais, qui aimerait l'être? On peut se poser la question. En tout cas, s'il l'a été, il a fait, hein, des films comme 24 heures de la vie d'une femme par exemple. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Encore une fois, si ça peut bouger les choses, si on peut d'un seul coup sortir de ce toujours cette même idée de l'animation où personne ne critique rien, c'est une très très bonne idée de sa part. C'est dommage, par contre, qu'il a attendu le dernier pour les courts-métrages. Il aurait pu ne pas le faire dans le sens forcément de la marche, on va dire, mais il aurait pu en regarder un de temps à autre comme ça. Un court-métrage, c'est pas mal aussi de temps à autre de regarder. Donc, bravo à lui. Et puis la prochaine fois, j'espère que quand il regardera les films d'animation, il essaiera de les comparer aussi à du cinéma. C'est comme si moi je comparais, je disais que ces films, 24 heures d'une de la vie d'une femme, c'est quand même, faudrait mieux lire Victor Hugo. C'est un peu ridicule. Il faut essayer de comparer aussi des fois les choses qui sont comparables. La bande dessinée, c'est pas du cinéma d'animation. Donc la prochaine fois, faites un effort, Laurent, et vraiment, si vous voulez m'appeler, il n'y a aucun problème, je vous ferai une petite conférence sur l'animation, vraiment avec très très grand plaisir. On va passer à un autre morceau, on va passer à Bobby Lapointe. Allez, ça fait plaisir, c'est toujours agréable. Le tube de toilette, c'est court, mais on aime toujours ça. Allez, à tout de suite. Pour faire un tube de toilette, en chantant sur cette terre bête, avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets. Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes. Bon, mais que dois-je pondre ? Que ponge, que ponge. Poc, potet, poc, poc. Le dernier mot qui t'a servi est éponge. Serviette, éponge, parfait. Allez, vas-y, je vais t'aider. J'apprécie quand de toilette. Quand de toilette. Me soutient ce lavabo. Ce lavabo. Ou plus vite, c'est bien lavé. C'est bien lavé. Rite et ça, nous le savons. À nous le savons. Sur ce piano, les touches tièdes. Les touches tièdes. Ton air est bon, mais mon shampoing. Mais mon shampoing. Il sera peut-être pas sale demain. Sale de bain. Il m'aura en tout caminé. Ou caminé de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé. Cette salade, on verra dans. On verra dans. Un instant, si c'est le bide et. C'est le bidet. Est-ce à répéter ou à terre? Théo ou à terre? J'aimerais mieux que d'autres lavandes. Eau de lavande, eau de toilette. Eau chaude, eau froide, eau mitigée. Ma face de carême a rassé. Crème a rassé. Pour sur aura ce soir l'éthique. Rasoir électrique. Ils font rire les cosmétiques. Les cosmétiques. Sur ma gueule dans peigne à moustache. Peigne à moustache. Cosmétique. Crème à raser. Rasoir électrique. Serviette éponge. Chanson de toilette. Très poétique. Top. Bulle de rêve, toujours bulle de rêve en improvisation aujourd'hui pour vous pendant 2 heures, musique et petit texte, petite réflexion sur le cinéma d'animation. Bulle de rêve forcément bien sûr sur Radio Libertaire où est-ce que vous auriez, comme je l'ai déjà souvent dit, 2 heures sur le cinéma d'animation ailleurs que sur Radio Libertaire, nulle part. Donc voilà, donc heureusement qu'il y a toujours cette émission. Alors, il y a peut-être un problème aussi par rapport à ce que disait Laurent Bounic, c'est peut-être en effet faire évoluer, en tout cas travailler différemment peut-être le cinéma d'animation, et notamment au niveau de la thématique. L'un des problèmes, et on le sait, au niveau du long métrage, c'est l'ouverture d'un certain public. On le verra plus tard, je vous en parlerai, ça passe pour moi aussi par la technique, mais ça passe aussi bien sûr par ce qu'on raconte. Depuis quelques années, le Cartoon Forum, le Cartoon Movie et le Cartoon Forum, Cartoon Movie c'est les films, Cartoon Forum, c'est les séries, accueillent de plus en plus de projets pour adultes. Et encore, est-ce que c'est réellement justement pour adultes? Souvent, c'est des choses qui... faut savoir quelque chose, l'animation coûte cher. Et qu'on a une problématique, c'est que souvent, c'est des films ou des séries qui touchent un public ado-adulte. Par exemple, je vous défie, si, là en ce moment, de me dire une série purement pour adultes en animation. Pardon? Non, ça ne marche pas. Non, ça c'est une série ado-adulte. Il y a beaucoup de séries ados adultes, hein, BoJack Horseman, etc. Mais c'est des séries ados adultes, South Park, évidemment, Simpson, etc., etc. Non, je parle d'une vraie, je sais pas, un Top of the Lake en animation, un Twin Peaks en animation, ce genre de choses. Il y a aucune raison, après tout, qu'on en ait pas. Pareil pour les longs métrages de cartoon, aussi passionnants, bien sûr, qu'ils soient. Et dans mon discours, on n'en est pas. Une négation, c'est-à-dire il ne faut pas ça pour mettre ça à la place, non, c'est cette diversité qui serait importante, c'est que la plupart en fait sont sur des sujets contemporains, souvent de guerre. Que ce soit des choses extraordinaires, hein, sur les Khmers rouges ou enfin extraordinaires, les choses importantes, on va dire, bien sûr à dire sur les sur les Khmers rouges ou sur la Seconde Guerre ou sur la Première Guerre ou des choses comme ça, mais finalement assez peu de choses qui soient dans le quotidien, dans une réflexion sur aussi l'être humain. Et je pense qu'on en a besoin. Il va falloir que on ait enfin des Ken Loach différents. Pas de la manière dont Ken Loach réalise, des je sais pas, tout, enfin, et qu'on ait une vraie diversité, que les gens aient envie de venir, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que enfin on ait une réflexion qui soit autre que uniquement uniquement se plaindre, nous, dans l'animation, de dire oh là là, mais les gens sont pas présents, et puis voilà. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais comment on fait ça? Louise en hiver a tenté le coup, c'est compliqué. Il y a pas de recette pour l'instant. Mais ce n'est pas une question de recette, c'est une question d'obligation. C'est-à-dire, c'est une question de faire évoluer et grandir le cinéma d'animation. Il est extraordinaire en court-métrage. Il a besoin aujourd'hui, alors que il y a de plus en plus d'étudiants, on a besoin aujourd'hui de réfléchir différemment à comment on parle aux gens et comment on met en place des choses. Ça va être fondamental parce que je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, on fasse comprendre que oui, il y a besoin de réalisateurs, il y a besoin de scénarios, il y a besoin, il y en a, mais qu'on a besoin d'aller vers, encore une fois, autre chose. Pourquoi ? Pour casser notamment les règles hollywoodiennes qu'on a depuis des années, de soi-disant un tout public, le fameux tout public qui n'existe pas. C'est un fantasme, bien sûr, hollywoodien, qu'ils ont réussi, hein, je veux dire, qui ne s'est pas précipité, à part... nous, évidemment, parce qu'on n'est pas comme ça, pour voir le dernier film de Star Wars. Francis, tu as vu le dernier film de Star Wars? Non, voilà, il n'est pas là. Ouais, ça veut dire qu'il ne l'a pas vu. Voilà, et non pas qu'il y ait une critique forcément par rapport au gros. Je vous vois venir, c'est de suite forcément le grand spectacle contre les petits films. C'est pas ça. C'est vraiment d'un seul coup. Je pense qu'il va falloir aller au-delà de ce qu'impose Hollywood depuis des années dans la volonté pour un film d'animation de coûter de toucher un public plus large. Et même à Hollywood, il y a plein de réalisateurs qui veulent autre chose, qui veulent tenter d'autres paris, mais qui même pas un pari. Je suis persuadé que les gens sont prêts à regarder, bien évidemment, de l'animation pour adultes. Donc si vous m'écoutez, s'il y a des gens dans l'animation et dans, notamment dans le long métrage et dans la série, commencez. Il va falloir avoir du courage, c'est pas facile, mais il va falloir avancer un tout petit peu dans cette réflexion là. Nouvelle pause, et là on va passer avec un autre chanteur français. On continue avec qui nous a quitté évidemment trop tôt, et l'un des albums que je préfère, avec des chansons complètement barrées, et on va écouter Dwayne Eddy, et vous allez reconnaître normalement qui est le chanteur. Nicolas, on écoute et on vient juste après. Cherche à Saint-Denis, d'avance merci. Je rêve tout haut sur une grande échelle depuis que le pont qui casque. Pas de nouvelles vagues, l'année dernière en marée basse, elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. Michou, mes raisins, les yeux fermés, j'achète. En dépit des French cancans, j'en fais des kilomètres. Elle m'a plaqué, oh, dans le quartier, Les escaladors sont-ils vraiment ce qu'ils étaient? Elle a tellement plu. Elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée. Tellement beaucoup qu'elle a plu. La douane avec Eddie, je prends soin du canari. Je prends le poisson rouge deux fois par jour, il te reste du deuil. Joyeux Nobel et encore bananier. J'annule la manicure, ça lui fera les pieds. Elle a tellement plu qu'elle est encore toute mouillée. Elle est encore toute mouillée, tellement beaucoup qu'elle a plu. La douane avec Edith en bel après-midi. Je brûle un Serge Saint-Denis d'avance, merci. Je rêve tout sur une grande échelle depuis que le pompier casse. Pas de nouvelle vague. À marée basse, je me suis fait et pourtant je le savais. Bachung, Passer le Rio Grande, un album complètement fou avec, alors là, comme Bachung et Bergman aimaient le faire, mais alors là on a absolument trois jeux de mots, excusez-moi, toutes les secondes. C'est un album très très pétillant et très très ludique qu'il faut réécouter. Après, Bachung va entamer évidemment un autre style, mais là ça clôt toute une partie de sa carrière et c'est absolument extraordinaire. Pourquoi on est obligé de changer et pourquoi il va falloir réfléchir par rapport à l'animation? C'est que on a beaucoup d'écoles aujourd'hui et les écoles pour moi ne font plus tellement leur travail. On est en plein emploi, faut que vous le sachiez, et qu'en fait la plupart des écoles maintenant essayent de répondre à la demande plutôt que de réellement créer des auteurs, que ça soit, attention, hein, des auteurs techniciens bien évidemment aussi. Je ne parle pas que d'auteurs forcément scénaristes, mais d'auteurs techniciens, des gens qui réfléchissent et qui se posent des questions par rapport à l'animation. Récemment, une école s'est créée, qui est une école qui a été créée par Timto, qui est une école solidaire. C'est chouette, hein, une école solidaire. Mais qui est une école évidemment pour le studio. C'est-à-dire, c'est une école que le studio va ensuite récupérer tous ces gens et ils vont travailler pour eux. C'est un solidaire personnel. Et je trouve ça un petit peu problématique, parce qu'après tout, pourquoi pas? Je veux dire, si une école, elle est gratuite, ce qui est rare, c'est malin, hein, c'est bien joué. Pourquoi pas avoir des écoles comme ça? Pourquoi pas avoir des écoles qui décident, à un moment donné, de créer des gens uniquement pour, vous savez, comme dans Pink Floyd, pour ensuite être passé dans des machines, en fait, être utilisé pour une seule manière. Et puis, je suis bête quand je dis ça et cynique, puisque après tout il y a des gens et ils ont bien raison qui peuvent aussi avoir envie de faire de l'animation sur des séries, des choses comme ça, et puis avoir une autre vie que forcément faire des choses extraordinaires entre guillemets en animation. Il y a aucune raison. Mais j'ai une problématique quand même, qui est que aujourd'hui la plupart des écoles, quasiment toutes les écoles, d'un seul coup deviennent, à un moment donné, pour se rassurer, pour les écoles, pour les étudiants, ce qui pose aussi une problématique. Plus personne ne va au Gobelin pour le plaisir d'aller au Gobelin. J'irais même plus loin. Peu de gens maintenant, de plus en plus de gens vont à la Poudrière pour se rassurer. Poudrière, c'est sûrement l'une des écoles les plus passionnantes qu'il puisse y avoir. C'est une école de réalisation. Et les parents, les élèves, tout le monde, par la peur qu'il peut y avoir, et que je peux évidemment comprendre, ne pas avoir de boulot par la suite, c'est toujours quelque chose qui est angoissant, bien sûr, mais d'un seul coup, ces élèves ne sont plus là pour inventer, ces élèves sont là pour se créer un réseau, et d'un seul coup se dire, c'est bon, je ne dirais pas non, mais il y a des élèves qui sont partis, par exemple, à la Poudrière, qui ont un talent extraordinaire, mais vraiment, qui ont des choses à dire, et il faut aller voir, dans ce cas-là, les producteurs, et il y a la peur d'aller voir les producteurs, et on va voir, on se rassure, en allant voir, en allant dans ces écoles-là. Et je pense qu'on n'invente plus, puisqu'on est là pour se rassurer, on n'est pas là pour tenter de travailler autre chose. Le fait qu'aussi ces écoles-là, souvent, malheureusement, ne donnent que que une certaine durée, par exemple, pour faire les films. La Poudrière, c'est 3 minutes. Alors, on pourrait croire facilement que ce petit discours que j'ai là est anti-Poudrière, par exemple, ou anti-Gobelin. C'est pas le cas. L'idée n'est pas absolument de critiquer ces écoles. Vous savez que je pourrais le faire à ce micro sans aucun problème. Je n'ai pas ce problème. Mais c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on n'arrive plus, à part à quelques rares exceptions, des gens qui arrivent à sortir finalement de ça, on n'arrive plus à tenter autre chose. Vincent Gillot de la Cambre, on peut critiquer des choses aussi à la Cambre, mais Vincent Gillot de la Cambre, école en Belgique, disait à un moment donné, lors d'une réunion du RECA, quelque chose, il avait été invité, et il disait, nous, on peut pas inventer le cinéma, on va juste donner aux élèves les clés que nous on a dans le cinéma qu'on a inventé, les élèves vont devoir réinventer le cinéma. Et je trouve que par exemple à la Cambre, ou à la Guédaï, ou au Royal College of Art, on a cette idée-là. On a ça aussi, peut-être un peu plus bancal, mais de manière intéressante à l'ENSAD ou à l'EMCA en France. Il y a des choses assez passionnantes qui se passent. Essayons aussi d'avoir des écoles qui soient plus direct dans ce qu'elles disent, par exemple pour avoir des élèves, à savoir une école va être plus technique qu'une autre, ne pas faire semblant de dire mais non mais vous pouvez venir quand même, il y aura des places pour faire autre chose alors qu'ils en auront pas, qu'ils ont pas le temps. Ou alors par exemple encore une fois, peut-être que je parle beaucoup de la Poudrière parce que c'est une de ces grandes écoles qui a vu sortir autant de gens aussi importants, mais par exemple dommage qu'il n'y ait pas de temps en temps un film un peu abstrait ou un film qui change à la Poudrière et qui tente quelque chose d'autre. Soyons clairs, hein, j'en ai parlé au directeur pédagogique de la Poudrière qui me disait que c'était pas qu'il ne voulait pas, c'est que la pédagogie mise en place évidemment était plus tournée vers la narration. Donc faire attention à ça parce que c'est bien gentil d'être en plein emploi et c'est bien, mais il y a aussi c'est aussi un artisanat, c'est aussi un plaisir de faire de l'animation, du cinéma, bien sûr. Et lors de l'Animest où j'étais en jury, donc en Roumanie, on a fait un petit texte. J'avais fait un petit texte pour dire qu'on était absolument, mais qu'on voulait exprimer notre sentiment sur le côté absolument incroyable et l'audacité des films d'étudiants, l'originalité, la diversité des visuels, des techniques, des dessins, du dessin punk, de la CGI, de l'image de synthèse réaliste, aussi bien de la manière dont les films peuvent travailler sur des thèmes politiques, historiques, des sujets sociaux, et qui sont une manière importante évidemment de faire du cinéma aujourd'hui. Les films d'étudiants nous ont montré qu'il était important de pousser les frontières, de pousser les limites du cinéma d'animation pour essayer de le faire toujours mieux, ou en tout cas pour essayer de le faire évoluer. Nous pensons, c'est le texte, hein, nous pensons fortement que d'avoir regardé la compétition étudiante, elle nous a permis d'avoir une animation qui nous a offert des choses bien plus intéressantes, et c'est quelque chose de gratifiant et de un vrai plaisir de voir ce sentiment-là. Et peu finalement, on retrouvait des films français, mais qu'il y en avait peut-être un peu moins qu'avant, mais aussi dans toutes les écoles du monde. Je parle des écoles françaises, mais il y a beaucoup ça, cette peur. Ne nous laissons pas faire comme cette société aimerait bien le faire, par la peur, et essayons de continuer à créer aussi des choses qui sont fortes. Ce serait exceptionnel, et je pense que l'animation a de quoi le faire. Petite pause numéro 5. Nous allons après Bachung aller vers un autre grand, on est vers autre chose, mais voilà, Frank Zappa avec un morceau qui s'appelle Watermelon in Easter Hay. Et là on a le côté pas justement Zappa comme on a eu le Bachung un peu plus ludique, on va dire, là on a le Zappa un peu plus guitarero avec, vous allez voir, de longs morceaux, un long solo de guitare. On écoute ça et on revient après. Merci. Thank you. Frank Zappa, donc évidemment, hein, avec ce morceau de guitare comme ça, voilà, qui n'en finit plus presque. Et en plus, c'est sur, je crois que c'est sur l'album Shut Up and Play Guitar. Qui, donc c'est tous ces concerts que Zappa, vous savez que Zappa enchaînerait tous ces concerts, hein, quasiment pour ensuite, en tout cas les avoir, pas forcément les sortir, mais les avoir. Jusqu'à présent, c'était facile. J'avais les choses tout tombait de manière un petit peu facile. Et puis ah bah si. Si, je vais vous parler de ça. Il y a quelque chose qui m'agace énormément. Oui, il y a beaucoup de choses qui agacent, hein. Non, mais après, c'est des choses pour faire avancer. Enfin, j'espère. Pour, c'est pas juste de l'agacement pour l'agacement. En fait, je vais manger tout à l'heure. J'ai devant moi depuis tout à l'heure. Je vous conseille, pour ceux qui sont à Paris, le Tomo, qui est une petite boulangerie japonaise, qui est, je me rappelle plus l'adresse exacte, qui est vers rue Sainte-Anne, qui est japonaise et qui fait des dorayaki. Espèce de crêpe comme ça, un peu à la pancake, hein, japonaise, mais aussi à la française, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est de la publicité complètement gratuite. Mais ça vaut le coup, c'est pas mal. Voilà, c'est assez bon. Maintenant, je vais revenir aux choses plus importantes plutôt que de vous raconter des choses comme ça. C'est le nombre grandissant de films pour les sélections. Il y a une chose que je trouve incroyable, c'est la facilité qu'ont les festivals de dire oh, « Cette année, nous avons reçu 2350 films. Cette année, nous avons reçu 1073 films. » C'est inutile. D'abord, il faut que vous sachiez, vous qui nous écoutez, 80% de ces films n'ont aucun intérêt. Alors, ce que je vous dis là, vous allez me dire, c'est d'une prétention. J'ai pas dit que 80% étaient mauvais, j'ai dit qu'ils avaient aucun intérêt pour le sélectionneur. C'est-à-dire que moi, quand je regarde la sélection du Piaf, quand je l'ai fait, 80% des films, je trouvais ça inintéressant. Et que 80% vont se retrouver, qu'est-ce que je raconte, il y en a beaucoup plus que ça à Annecy ou dans d'autres festivals, et que ça sera pas les mêmes, bien évidemment, c'est pour ça qu'on est complémentaires et que les festivals sont complémentaires. Mais souvent, il y en a plein qui n'ont aucun intérêt, voire même pire que ça. Cette idée de dire absolument de se gargariser du nombre grandissant de films est un vrai, juste un côté égocentrique des festivals, de vouloir absolument faire croire que l'un est meilleur que l'autre parce qu'il en reçoit plus. L'important, c'est de recevoir des bons films, et donc plutôt que d'attendre que les films soient reçus, c'est d'aller en festival, de regarder, puis de dire « Ah tiens, j'espère que je vais avoir ce film-là », puis de le demander, et puis etc., etc. Aujourd'hui, les festivals, évidemment, un gros festival n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui envoie. Vous savez, c'est comme ça, les riches n'ont pas besoin de se déplacer. On attend évidemment qu'on nous envoie à la maison les choses et qu'on se fasse livrer par Uber Festival tous les films, évidemment, le plus possible. Et je pense que c'est une erreur, parce que c'est pousser les gens absolument à leur dire « Mais voilà, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus », sans parler de qualité. Et la quantité sans la qualité n'a absolument aucun intérêt, je pense. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'espère un jour les festivals vont réfléchir plutôt que de, encore une fois, hurler à chaque fois. Et quand vous regardez, hein, à chaque fois, c'est vraiment le nombre arrive en premier. Cette année, nous avons reçu tant de films. Il y a autre chose qui est embêtant, qui est par rapport à la programmation, qui est assez étrange, quelque chose de nouveau dans le monde de l'animation, c'est les longs génériques. Il y a des génériques de plus en plus longs. Et en fait, c'est assez drôle parce que, alors, pour vous, vous dites, oui, mais pourquoi ils nous racontent ça? Parce que des fois, vous êtes un festival, vous regardez un film, vous dites, oh, 7 minutes 30, c'est un peu long, c'est dommage. Et en fait, vous regardez le film, et puis vous mettez dans la tête qu'il va faire 7 minutes 30, et le film fait 5 minutes 30, avec 2 minutes de générique. Alors, je comprends, hein, maintenant, il faut que vous mettiez que vous habitez en résidence à l'abbaye de Concarneau. Il faut mettre que vous avez été sponsorisé par le CNAC. Il faut que vous mettiez, etc. Et donc, mais c'est long. Et en fait, je comprends cette idée de vouloir absolument remercier, mais je pense qu'un générique, voilà, il faut le faire pas le plus court possible, mais en tout cas, je pense que moi, par exemple, je sais que j'aurais pris des films si le générique était plus court, en me disant, bah tiens, le générique fait que 20 secondes, parce qu'on va pas couper un générique, bien évidemment, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît un peu fou, d'avoir ces génériques de plus en plus longs et qui font que je vais rebondir avant de refaire une pause musicale, je vais rebondir sur quelque chose qui est bien sûr aujourd'hui la complexité de la longueur des films. Aujourd'hui, un grand nombre de films peut être très long, 20 minutes facile aujourd'hui. Alors soyons clairs, on peut avoir des très très bons films qui font 17-18 minutes, et ce n'est pas une critique, c'est que il y a toujours le même nombre de séances. Je l'ai souvent dit à ce micro, mais par exemple à Annecy, nous avons toujours 5 séances de compétition depuis des années et des années, et que il y a quelques années c'était 60-70 films qu'on voyait. Aujourd'hui, nous atteignons 40-45 films, parce qu'évidemment vous avez aucune raison, et un festival n'a aucune raison de se priver d'un film qui fait 20 minutes. Mais là, par exemple, pour le prochain festival d'Annecy, je connais au moins minimum 3-4 films qui font 20 minutes et qui mériteraient d'être en sélection. Mais vous imaginez 3-4 films de 20 minutes, ça fait déjà 80, ça fait une séance complète qui est prise par ces films-là. Donc il faut, on va pas demander aux créateurs de changer. Souvent, les films méritent, en tout cas certains méritent de faire 20 minutes. Donc, il faut que les festivals prennent ça en compte. Comment ça va être pris en compte? Comment on va réfléchir à ça? Est-ce que c'est des séances en plus? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui, plus on a de films, parce que c'est bien gentil de dire que on reçoit de plus en plus de films, mais si on leur laisse pas aussi de la place, c'est un pourcentage de place équivalent. À quoi ça sert d'avoir de plus en plus de films? Ou alors, faut avoir de plus en plus de festivals, faut avoir de plus en plus de plus en plus. Mais pourquoi finalement? Donc, une autre réflexion. On va passer à, allez, justement, des gens qui parlent bien. Et ouais, ça fait longtemps, je crois que j'ai déjà passé à ce micro-là, mais j'avais envie, dans un style absolument à l'opposé de Frank Zappa. Pas de longs morceaux de solo, mais une voix assez reconnaissable. Bon, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de vous dire, vous allez reconnaître sa voix de suite. On écoute à l'éloquence. Dans la vie, il y en a qui n'ont pas de vanne et qui errent comme des ânes en pleine. Il y en a d'autres qui sont des pédants et qui passent fiers comme un petit banc. Quant à moi, je suis plein de connaissances parce que j'ai des compétitions, des compétences. Il y en a dont le langage est toujours sans jambage, mais moi je parle toujours avec jambage. Pensez à l'éloquence, c'est l'art de savoir bien causer. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Mais oui. Ah, l'éloquence indique la personnalité. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Oui. Il faut retourner le champ des idées. Si l'on veut qu'il soit cultivé, il ne faut pas dire des balivernes, prendre des bougies pour des lanternes. À l'éloquence, moi dans ma famille c'est courant. Mais pourquoi? Mais parce que... Ah bon? Ah, elle comprend rien. À l'éloquence, j'allocutionne familièrement. Ça fait que pour causer, j'ai pas de mal. J'ai des allocations familiales. En vertu de ceux qui précèdent, tout comme dans le principe d'archipel, bien causer sera ma profession. Je manquerai pas ma convocation. Pensez, faut bien dire que je n'ai pas de mal pour trouver des paroles verbales, car j'ai dans mon cerveau toutes sortes de grands mots tels que isopropyl alylacétyluré. Isopropyl alylacétyluré. Celui-là, grand mot. Hein. Ce qu'il y a, c'est pas bien commode de le placer dans la conversation. Mais attends, l'éloquence, tout comme l'a dit La Rochefoucauld. Oui, mais pourquoi? Ben parce que... Ah bon? Ah, c'est pourtant clair. Ah, l'éloquence, c'est dire beaucoup de choses en peu de mots. Oui, mais pourquoi? Mais parce que... Ah bon? Ah, mais tu commences à m'énerver, tu sais. C'est dire comme disait Mirabeau, fontaine, je boirai pas au tonneau. C'est dire comme le proverbe arabe, tomber de Caraïbes en syllabes. Ah, l'éloquence, c'est antique, c'est vieux comme mes robes. Oui, mais pourquoi? Mais parce que... Ah bon? Ah là là, c'est malheureux de causer avec des gens qui sont pas instruits. Ah, l'éloquence inonde toutes les parties du globe, d'où je conclus que l'intelligence vogue sur les flots de l'éloquence. Ben oui, mais pourquoi? Mais parce que stultorum infinitus est numerus. Ah bon? Mais évidemment. Et voilà, c'était Bourvil dans Bulle de Rêve. On continue, cette émission de 2 heures en direct, un peu en improvisation, musique surtout, et quelques petites thématiques comme ça sur le monde de l'animation. Je vais rebondir sur quelque chose que je l'avais mis quelque part. De la théorie du film d'ouverture et du souci de la performance, je vais rebondir sur un texte, pas vraiment rebondir d'ailleurs, parce que je vais pas rebondir là-dessus sur le texte de Francis Gavel, donc sur Annecy 2017, et c'était surtout par rapport au souci de la performance. Je comprends ce qu'il veut dire, et en effet, je pense que c'est quelque chose qui malheureusement existe depuis un bout de temps, malheureusement dans l'animation, et qui, ce que je disais par rapport aux écoles, continue aujourd'hui. On a une véritable problématique de la performance, et de la performance notamment technique. Un film absolument catastrophique qui est sorti il y a pas longtemps s'appelait Loving Vincent, en français La Passion Van Gogh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui était un film donc sur Van Gogh. Et le film, en fait, s'est vendu plus par sa technique, on va dire, que réellement ce qu'il racontait. Je pense que personne n'est au courant, j'exagère, de ce que le film racontait. Par contre, tout le monde, et même hors du monde de l'animation, savait que le film était en peinture animée. Le premier long métrage en peinture animée. Mais à quoi ça sert de faire le premier long métrage en peinture animée si celui-ci n'a aucun intérêt? C'est ça qui est un peu le problème. C'est qu'en fait, si bien sûr ça a un intérêt, c'est à vendre ensuite des de la peinture, hein, vous savez, les peintures étaient vendues, je sais plus quelle marque, et on s'en fout, de peinture avait été utilisée pour le film, et la marque pouvait se targuer ensuite dans leur publicité, le film La Passion Van Gogh a utilisé les peintures, vous savez, un peu comme voilà à l'époque. On a un vrai problème, faut arrêter. C'est la technique est importante, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Les gens de l'animation ne peuvent pas nous dire, et peuvent pas dire à un moment donné, ça commence à bien faire, on parle que de l'animation, on parle que de la technique, il y a que la technique, etc. Oui, le problème, c'est que les gens entre eux parlent que de technique. Quand d'un seul coup, on essaye de parler un petit peu d'autre chose et un peu des thématiques, souvent, pas tous, bien évidemment, se referment et on revient toujours à cette technique. Faut savoir quelque chose, la technique, les gens s'en foutent. En grande majorité du temps. La loi des 180 degrés cinéma que le cinéma, je suis persuadé que personne, à part les gens du cinéma, la remarque, ou très peu. Je suis persuadé que les faux raccords, à part quelques personnes, personne ne les remarque. Scorsese disait même, si on voit Kurosawa, je les cite souvent tous les deux, disait si on voit un faux raccord dans un de mes films, c'est que quelque part je me suis un peu planté. Parce que les gens étaient sur les faux raccords plutôt que de réellement de regarder le film. Quand on est pris dans un film, on se pose pas la question de la technique. Moi, jamais, quand mes élèves et je finis un film et que mes élèves me disent « Oh, monsieur, c'est quoi comme technique ?» Pour moi, il y a une problématique, il y a une erreur. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ne se sont pas posé la question. Alors, oui et non, parce que cette question de la technique, elle est obligatoire, bien évidemment, et on va pas non plus aujourd'hui la mettre toujours la même chose. C'est pas une opposition, c'est pas on va mettre la technique d'un côté et puis le sens de l'autre. C'est juste que tout doit s'imbriquer et qu'on doit réfléchir sur les deux en même temps. Et dans le monde de l'animation, il va falloir s'y mettre aussi. C'est Ken Satoshi qui disait que le problème qu'on avait dans le monde de l'animation, c'était qu'en fait, souvent, les gens, alors c'était à l'époque, hein, Ken Satoshi, grand réalisateur japonais, trop tôt décédé, et disait, on a un problème dans l'animation japonaise, c'est que, en fait, ceux qui deviennent réalisateurs sont des gens qui ont d'abord été, donc, intervallistes à l'époque, chef d'écho, animateur, assistant réalisateur, et puis ils deviennent réalisateurs, comme dans, des choses, voilà, très, très, très traditionnel, etc. Et dit, le problème, c'est que les gens deviennent réalisateurs et n'ont rien à dire en tant que réalisateurs. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on essaye de dire aux gens, c'est que, de dire aux étudiants notamment, et aux étudiantes, c'est que, ils sont pas obligés de devenir réalisateurs et ils peuvent essayer justement de créer un vrai discours pour la technique, pas juste, oh, c'est une belle technique, c'est pourquoi j'utilise cette technique-là, à quoi elle me sert, jusqu'où j'ai été pour créer cette technique-là, comment je l'ai réfléchi, et à quoi elle aboutit. Et ça, c'est une vraie, vraie problématique, parce qu'en plus, pour rebondir là-dessus, on va avoir trop de réalisateurs bientôt. C'est-à-dire qu'on crée un délire sur les réalisateurs et on va avoir beaucoup, beaucoup trop de réalisateurs. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est le rêve de tout le monde de devenir réalisateur. Bon, ils ne sont pas au courant que le réalisateur d'animation, vous allez être interrogé par trois personnes. Alex Huneau, Francis Gavel et Stéphane Dreyfus, quand vous êtes en France, sinon ça va pas aller plus loin. Allez, si Cartoon Brew, si vous êtes un peu connu et puis voilà, mais non, mais ça va être assez raccourci et qu'aujourd'hui on va avoir un problème tout simplement aussi par rapport aux subventions. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens et qu'en fait il y aura plus d'argent aussi pour une grande partie d'entre eux. Et ça va être une réelle problématique. Donc la technique, c'est bien, mais il va falloir la réfléchir différemment pour travailler le cinéma différemment. Et ça, c'est sûrement l'un des grands chantiers qui nous attend dans le monde de l'animation, c'est réfléchir autrement les budgets. Comment on réfléchit différemment un budget aujourd'hui en animation ? Comment, et je suis complètement d'accord quand j'en parle à des amis qui me disent « Il est hors de question que les techniciens et que les gens soient moins bien payés », on est d'accord. Donc on reste sur la même base, on reste sur les mêmes bases pour payer les gens normalement, je suis d'accord, allons-y. Mais dans ce cas-là, on fait pas le même mouvement. Dans ce cas-là, on réfléchit sur autre chose. Dans ce cas-là, on va tenter d'amener l'animation vers une autre réflexion autour du mouvement. Et c'est peut-être ça, je pense, l'un des grands chantiers, c'est que alors que le monde est en recherche d'un constant mouvement de plus en plus rapide, le cinéma d'animation, lui, se doit de réfléchir sur ce mouvement, pour le ralentir, voire même l'arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, on doit complètement imaginer l'image par image d'une manière totalement différente de ce qu'elle a été imaginée jusqu'à présent. Et que oui, un film, je l'ai souvent dit à ce micro, que comme La Jetée de Chris Marker, est un film en image par image. Alors, est-ce qu'il crée le mouvement? C'est une autre question, et on peut y réfléchir. Mais en tout cas, je pense, et ça c'est important, que la volonté des réalisateurs, des animateurs et des producteurs va devoir passer par une réflexion, notamment au niveau du long-métrage et des séries, pour proposer, ce que j'ai dit tout à l'heure, des thématiques et des sujets importants ou intéressants qui intéressent les gens, à passer par une animation, encore une fois, qui va être différente. La création du mouvement, j'espère, va bouger dans les prochaines années. On va passer à un autre morceau musical. Je suis content de pouvoir vous passer, j'en ai déjà passé, je crois, mais je suis pas sûr, du Mogwai. Un groupe anglais très très important pour moi, qui est une espèce de post-rock, mais beaucoup plus presque planant, sauf ce morceau-là, évidemment, tant qu'à faire. Je pense que d'ailleurs, je sais pas s'ils diraient eux-mêmes comme un groupe de post-rock, espèce de nom un peu barbare, qui veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Mais Mogwai, c'est vraiment un je vous conseille d'aller les voir en concert. C'est une musique qui s'écoute dans une longueur comme ça, presque d'une heure et demie, 1h40, comme font leurs concerts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des concerts souvent qui font 1h30 puis qui s'arrêtent. Il y a très peu, il y a un rappel, mais il y a très peu de rappels. On est dans une énergie quasiment constante pendant 1h30. On écoute de leur dernier album un morceau qui s'appelle 20 Size. Merci Nicolas. de rêve sur Radio Libertaire, toujours on écoutait Mogwai, et donc vous êtes dans cette émission de deux heures, encore une fois un peu en improvisation autour surtout de musique que j'ai voilà, que j'avais envie de vous passer depuis quelques années, enfin pas quelques années mais en tout cas voilà, des choses que j'ai comme le sait bien Nicolas, c'est-à-dire j'amène toujours 25 morceaux et puis on en passe deux. Donc forcément au bout d'un moment donné, ça fait beaucoup de morceaux que j'aimerais vous passer, il en reste encore énormément mais c'en est quelques-uns, et donc je parle un petit peu de sujets divers au niveau de l'animation, et c'est vrai que là je parlais un peu de la nécessité de changer. On va devoir changer aussi quelque chose par rapport à la technique, c'est qu'une technique corresponde à soi-disant, ou une esthétique corresponde à soi-disant un thème ou un sujet. Il y a un film qui a très bien marché qui s'appelle In Heartbeat, qui est même dans les 10 derniers des Oscars, ce genre de choses, et qui est un film tout mignon, qui est un film très Disneyien, Dreamworksien, Pixarien, voilà, dans une espèce d'esthétique comme ça, vous pouvez imaginer dans le style un peu Disney, en tout cas assez traditionnel dans ce qu'on connaît. Et donc on a un petit garçon qui est tout seul devant un lycée ou un collège, je sais pas trop, et on voit qu'il est amoureux, il y a les petits cœurs qu'on voit amoureux qui sont personnifiés, enfin voilà, on est vraiment dans du pur cartoon comme on le connaît, et on va voir la personne qu'il aime, la personne vers laquelle va son cœur, et en fait c'est un autre petit garçon. Et donc évidemment c'est un film qui a beaucoup marché parce que d'un seul coup ça parle quelque chose qui nous touche aujourd'hui évidemment, et dont on parle heureusement plus qu'avant, qui est par exemple l'homosexualité, en tout cas l'idée de transgenre, de changer de genre, etc., ou l'idée d'aimer quelqu'un du même genre, enfin voilà, ce genre de choses qui est mis en place. Et ce qui est intéressant là, bien évidemment, c'est plus que c'est le sujet, mais c'est le sujet aussi avec l'esthétique et avec le médium qui est utilisé ici, donc l'animation, et l'animation qui est une animation a priori traditionnellement plutôt avec un sujet enfantin, on va dire, et que d'un seul coup le sujet est autre, et en plus traité d'une manière presque comme un film enfantin. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce film, il joue d'un seul coup sur des codes pour parler d'autre chose. Quand est-ce qu'on arrivera à voir un film de Pixar qui parle, je sais pas moi, pourquoi pas, je dis toujours, si bien le Pixar faisait Persepolis, ça donnerait quoi? Ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas un film romantique en gravure sur pellicule, ou en abstraction, on va dire. Un vrai film romantique, hein, je sais pas, la David Lean, imaginez. 1h40 comme ça, en gravure sur pellicule, en roman, une romance comme ça. Je pense que il y a des choses qui se font en animation, mais on a encore trop peur, encore une fois, du public. On a encore trop peur que le public n'accède pas finalement à ces images-là. Et je pense que c'est qu'on prend le public trop pour un con, comme d'habitude. Il n'y a aucune raison que ça change. Et c'est vraiment dommage. Et ça me touche, puisque moi, l'animation et le cinéma en général est un art que j'aime. Je trouve que j'aime pas In a Heartbeat, mais pas à cause de son sujet, mais plutôt à cause de la manière dont le sujet est traité, qui est un peu mièvre pour moi, de l'esthétique, etc. Et là, ça devient intéressant parce que on peut se poser des questions sur qu'est-ce que le cinéma d'animation et finalement comment il représente les choses. Et là, d'un seul coup, on peut là avancer, on va dire, vers une véritable réflexion qui va être beaucoup plus large. Qu'est-ce que le cinéma d'animation? Est-ce que le cinéma, c'est une version parmi tant d'autres? Est-ce que on regarde avant tout les visuels, on fait moins attention à l'histoire? Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'animation, et comment on peut nous l'amener vers une autre réflexion, vers quelque chose d'autre? Il y a ça, c'est quelque chose qui m'importe. J'étais récemment au comité des Césars, comme vous le savez, je fais partie du comité des Césars pour le court métrage, et on parlait d'un film absolument magnifique qui était dans mon top, et que Laurent Bounic n'aime pas, qui est pour lui, je sais plus ce qu'il dit, fini en image, enfin je sais pas quoi, qui est un peu ridicule, qui est le magnifique film de Chloé Maslow, Diamanteur. Et certains de mes collègues disaient, on dit cette phrase que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est mais il y a presque pas d'anime dedans. C'est-à-dire que d'un seul coup on juge un film par rapport à son pourcentage. Soyons clairs, qu'il y ait des règles très précises et qu'on décide que Diamanteur, mais dans ce cas-là, on fait un calcul et on dit non, désolé, il nous faut 40% d'anime pour être en anime. Pourquoi pas? Je trouverais ça dommage, mais dans ce cas-là, on instaure des règles. Du moment qu'il n'y a pas de règles, et à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait des règles, en tout cas pour les courts-métrages, Francis, il y en a? C'est combien? Tu sais pas? Mais il y a... Bon alors, Francis me dit qu'il y aurait des règles par rapport au pourcentage, en tout cas d'animation. Moi, je sais qu'il y en a aux États-Unis, en France, j'en ai pas vu dans le règlement que j'ai pourtant lu, mais bon. Donc voilà. Pour moi, il y avait pas de ça, donc faudrait retrouver ça. Mais et ben dans ce cas-là, c'était clair, c'est-à-dire que Diamanteur, on regarde, on prend le minutage du film, le nombre de minutes qu'il y a en animation, on fait un ratio et on dit non, 38%, il peut pas, 42%, il peut, et qu'on a quelque chose un peu parce que d'un seul coup, on ne parle plus de cinéma, mais là, on parle de on fait une comptabilité par rapport à ça, qui est quelque chose qui pourquoi pas, mais en tout cas moi ça ne je pense que on est là pour aussi parler de création sans employer de grands mots comme ça, mais en tout cas on est là pour parler de film et non pas encore une fois de pourcentage. Donc ça c'est vraiment important aussi qu'on redéfinisse finalement ça et qu'on redéfinisse l'idée même de cinéma. J'en viens à ma dernière petite chose par rapport à ce petit moment qui est qu'il ne faut pas compter sur les nouvelles chaînes comme Netflix pour nous amener du nouveau, en tout cas pas en animation. Netflix aux États-Unis demande à travailler avec DreamWorks, en France avec Gaumont, et j'ai rien contre ces grosses boîtes quoique, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on va pas faire des petites boîtes qui tentent des nouvelles choses. Netflix ne tente rien en animation. Et donc, il va falloir, encore une fois, c'est ce que je dis, prendre sur soi. Et d'un seul coup, quand on a des séries aussi extraordinaires, par exemple, que Doppelganger, qui est une série que j'adore, de Luis Calies, qui est une ancienne de La Poudrière, par exemple, qui a fait quelque chose de complètement fou. C'est drôle comme pas possible. Et puis, c'est intelligent. Et puis, voilà. Et ben, la série va... Bon, j'ai peur que la série un jour ne se fasse pas parce que pour l'instant les seules personnes qu'on peut voir c'est France Télévisions et qui n'ont pas encore le courage évidemment, parce que encore une fois c'est même pas une critique, mais de produire évidemment ce genre de série, si c'était une critique. Donc bon, ça c'est un vrai problème, et que il va falloir réinventer, là les producteurs vont devoir se casser la tête, mais en tout cas pour réinventer aussi une forme de production en animation. On va passer à un autre style musical, un rappeur, enfin voilà, plus ou moins, qui s'appelle Hippocampfou. Et le morceau s'appelle Las Estrellas. On reste donc en France, voilà, avec ce rappeur. Et puis, on partira en Corée un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, on écoute ça et on revient juste après. Merci Nicolas. Toutes les mamans qui allaient, j'ai des couronnes sur les molaires. Pourtant, je n'ai jamais eu la fève. Et pour éteindre le soleil, je crache de l'eau. Chaque nuit dans mon sommeil, Freddy me gratte le dos. Je mène une vie de patachon hors de mon lit. J'attrape froid, j'ai besoin d'une inhalation doublée d'un lit. N'a la joie, plus souvent qu'un ébéniste, je touche du bois. Ne boude pas, je t'aime de tout mon foie. Soñar. Je ne parviens pas à fabriquer d'amis avec mon imprimante 3D. Décidément désemparé, j'erre dans des salles vides. J'appelle en vain des brancardiers car dans ma trachée aride, une bouteille à oxygène est entravée. Mon cerveau est en travaux, c'est un chantier sans fin. J'observe le monde à travers un miroir sans teint. Frissonne de plaisir quand je lis les chants de Maldoror. Allongé sur le dos d'un braqueur, je ne suis ni pour la monarchie ni contre. Écoutez du prime, c'est du queen dans un leaking size en bureautarcie. La bureaucratie me donne de l'urticaire. On me traite d'hypochondriaque depuis que je dors sur une civière. L'éternité des hommes est une chimère. Le néant m'effraie bien plus que l'enfer ou Lucifer. Regarde mes craintes dans cet écrin. L'écriture est mon élixir quand la nostalgie m'étreint. J'effrite, je graille, je tise le tigre et le frate. Je baille, médite, je fouille, je rate. Je trouve, je gratte, je brouille les pistes. Je braille, je triche, je craque, je traque. J'affine, j'attrape, je brille, je rappe. J'avance dans le brouillard étourdi. J'en ai brûlé des brouillons en refermant mes écoutilles. Je me tairai quand j'aurai tout dit. J'arrose la tombe de mon enfance, mais rien ne pousse si ce n'est l'oubli. Nous écoutions Hippocampus Estrellas, donc dans cette émission toujours Bulle de Rêve, entre petits moments où je parle, voilà, des petites choses, et surtout musique. Antenne, donc on regardait, Francis me disait, et donc en effet il y a quand même des garde-fou, enfin voilà, par rapport à certains films, et dire s'il n'y a pas suffisamment de d'animation, de pouvoir finalement bloquer un film ou pas bloquer un film, sachant que là, de toute façon, ça ne fonctionnait pas par rapport au film de Chloé Maslow, mais que pour certains autres films, comme voilà, ça pouvait fonctionner. J'aime ce moment de blanc à la radio. Je parlais des producteurs. Il est 18h12 et je voulais ici même au micro juste faire un petit topo en faveur de ces producteurs. Je trouve qu'on est énormément contre les producteurs, c'est super facile. Oh là là, mais ils sont pas gentils, etc. Ou alors, on les réduit à quelque chose, c'est eux qui cherchent l'argent. Ils sont pas créatifs non plus. Et on a un réalisateur pas très loin d'ici. Et c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, les réalisateurs sont-ils forcément les uniques créateurs d'un film? Et ça, c'est un problème qu'on a en France. Par exemple, en France, vous trouverez personne pour dire des gentillesses sur André Sarrut. Ah, Sarrut, désolé pour la prononciation. Qui est le producteur qui a essayé de produire, donc a créé Les Gémeaux avec Paul Grimaud. Et qui, à un moment donné, dû sortir La Bergère Ramoneur. Mais il a dû sortir le film parce que le film avait coûté une fortune et qu'à un moment donné... Ah oui, un producteur, il dépense de l'argent et il doit mettre en place des possibilités de récupérer certains argent. Dans ce cas-là, il faut le faire avec moins d'argent. C'est un peu une problématique. Moi, je suis d'accord avec les gens qui disent « Ouais, les producteurs !» Ben, faites des films sans producteurs. Justement, dans ce cas-là, travaillez autrement. Faites des crowdfunding, travaillez le jour avec des trucs pour faire le film avec la nuit, etc., etc. Mais un producteur, il est là aussi, enfin... D'ailleurs, si on met un peu d'argent, et des fois, il y a des films, des courts-métrages qui coûtent 150 000, 200 000 euros. D'ailleurs, je suis désolé, c'est pour des courts-métrages qui vont avoir une petite, voilà, un travail, vie en festival, etc., mais pas forcément un plus loin, c'est déjà pas mal. Alors oui, je sais, là, les gens peuvent se dire, s'ils nous écoutent, en disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent? L'art, c'est le plus important. Mais bien évidemment, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, changeons plutôt la société dès maintenant. Et on se retrouve dans la rue. Moi, je veux bien, au contraire. Mais dans ce cas-là, arrêtons un petit peu. C'est-à-dire que si on accepte la société aujourd'hui telle qu'elle est, Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous l'acceptez. En tout cas, là, je parle des gens dans l'animation. Je parle pas, évidemment, des auditeurs de Radio Libertaire. Vous écoutez Radio Libertaire, c'est pas pour rien. Mais pas mal de gens qui sont dans le monde de l'animation. Et justement, vous cherchez beaucoup l'argent, les subventions. Et ce qui est normal, faut que vous soyez payé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit réfléchir sur différentes possibilités. Oui, vous avez à un moment donné un producteur qui va sûrement vous emmerder, faut dire ce qui est, par rapport à un film, parce que d'un seul coup on a 160 000, 180 000 de budget et qui va vous emmerder, alors que vous allez vouloir faire un film pour moins cher. Quelqu'un comme Boris Labbé, par exemple, va faire des films avec un beau budget, puis des films seuls de son côté, puis un film à gros budget, enfin un beau budget, puis un autre. Voilà. En faveur des producteurs aussi, c'est parce que il y a des filous, hein, bien évidemment, comme il y en a chez les réalisatrices, chez les réalisateurs, chez les animateurs. Il y a des filous partout, et bien évidemment, il y en a chez les producteurs. Mais je trouve qu'on parle trop facilement de filous par rapport à ça, et que je pense qu'un producteur aussi a une vraie complexité de trouver l'argent de plus en plus aujourd'hui, que on parle beaucoup de gens, et j'espère qu'il viendra à ce micro par exemple comme Ron Dienz, ce sacre bleu. Ron Dienz, on peut dire tout ce qu'on veut, et je sais que beaucoup de gens ont plein de choses à dire sur Ron Dienz par exemple, et je l'ai invité, j'espère qu'il viendra évidemment ici en parler, si vous êtes sous contrat avec Ron Dienz, votre film a grande chance de passer à Cannes, à Berlin, à Venise. Ensuite, vous allez être plutôt reconnu. Et en plus, il a eu des palmes d'or, des prix. Et ça aide aussi les auteurs. Faut pas oublier, ça n'aide pas que les producteurs. Un auteur qui obtient le Lion d'or à Venise ou la palme d'or à Cannes ou même le Grand Prix à Annecy, eh ben, c'est important. Donc, il y a des producteurs aussi qui se battent par rapport à ça. Et encore une fois, je pense qu'on peut, et j'espère qu'on le fera à ce micro, critiquer et dire les choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas, mais il faut voir aussi pas que la chose à moitié pleine ou à moitié vide, comme on dit. Et je pense que les producteurs, on a de la chance, on a des bons producteurs en France, on a des producteurs qui font des efforts. Non, je veux pas me faire produire demain, vous inquiétez pas, mais ce n'est pas du tout ça. Mais je trouve ça dommage finalement qu'il n'y ait un rapport, qu'il n'y ait pas de rapport avec le producteur. Il y a très peu, par exemple, de producteurs qui vont dans des écoles et qui parlent de leur métier. Et que souvent, quand on parle d'un producteur, il parle aussi de rencontres, il parle aussi d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe avec un auteur et qu'on a envie de suivre. Et le nombre de réalisateurs qui partent aussi d'un producteur pour aller vers un autre, il y en a aussi, on n'en parle pas suffisamment. Donc, voilà. Arrêtons un petit peu de toujours critiquer les producteurs. Il y a des choses qui ne sont pas à faire et qui ne se font pas, et faut pouvoir le dire. Et puis à la fois quand même, on a de la chance quand même d'avoir une grande partie de ces producteurs en France. Voilà. Fallait que je le dise quand même. Et on va passer à un morceau. Là, je commence à me dire, je pourrais pas tout passer, mais je vais passer. Mais allez, tu sais ce qu'on va faire ? On va changer un tout petit peu. On va pas passer le morceau de John Binay. On va pas passer celui d'après ni celui d'après. Si on va, non, on va passer. Allez, Claude Nougaro. Je crois pour c'est le moment où on est un peu plus sur la l'émission, et on va essayer de croire. Vous savez, dans le plume d'ange, justement, Nougaro dit, l'ange lui dit, lui donne sa plume et dit, mais rappelle-toi, la foi est plus belle que Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Donc on écoute et on croit aussi un peu, nous. On écoute Nougaro. Le corbeau croasse et l'herbe croît, le crapaud coasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi. Crois, crois, crois. J'ai eu des crises, crises de foi. Dans les églises, il fait très froid. Mais une vierge me réchauffa, vierge du même signe que moi. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi. Crois, crois, crois. là que mon âme ronge son frein. À Notre-Dame, j'ai pris le train. Si je m'égare, fermez les yeux. Dans une gare, je prierai Dieu. Le corbeau croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi. Crois. Et l'incroyable voix, évidemment, de Claude Nougaro. Comme dit Nicolas, il ne pouvait pas ne pas y avoir de Claude Nougaro là dans cette proposition aujourd'hui. Allez, en vrac, quelques petites choses avant de refaire une nouvelle pause musicale. Il y a encore pas mal de choses à vous faire écouter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a un outil qui est super intéressant qui s'appelle TV Paint. Alors pour ceux qui connaissent pas TV Paint, c'est un outil, c'est un logiciel et qui est absolument extraordinaire. On peut faire des... Voilà, on peut faire des textures de papier. Alors, il y en a déjà dans Photoshop ou des choses comme ça, mais alors là, c'est encore plus extraordinaire. TV Paint, c'est un peu le nouvel Eldorado des animateurs. S'il vous plaît, les animateurs, ne laissez pas s'échapper l'organique. J'ai rien contre le numérique, au contraire, je trouve ça intéressant, mais c'est tellement beau et c'est tellement différent. Par exemple, quelqu'un comme Mirai Mizue, grand auteur japonais, vraiment, qui fait des choses passionnantes, travaille sur papier. Et évidemment, c'est tellement long, c'est tellement complexe qu'il a décidé de passer sur numérique. Et c'est pas la même chose. On n'a pas la vibration du papier, on n'a pas. Il nous manque ça. Et que même si vous allez avoir de nouveau, vous allez avoir une texture de, je sais pas quoi, moi, de papier déchiré ou une texture de quelque chose, il y a. Enfin voilà, c'est l'organique a quelque chose de d'important dans l'animation parce que c'est aussi le vivant. Et qu'on a besoin de du vivant dans l'animation, puisque c'est quelque chose qui est complexe, hein, qui est à mettre en place, et que l'organique nous amène ce côté justement vivant aussi important. Vivant qui d'ailleurs pose problème. Vous savez que je le redirai, je suis pour qu'on bannisse le bannissement. Ouais, bannissement, on dit ça. Du mot animation. J'aimerais qu'on supprime le mot animation, qu'on arrête l'animation. L'animation, c'est un mot poétique et qui donne un côté frankensteinien aux gens de l'animation. It's alive, my God, it's alive. Vous savez, comme dans Frankenstein, parce que d'un seul coup, ils voient leurs choses, leurs choses ou leurs êtres humains, en tout cas leurs dessins, s'animer et qui revient à ce problème de technique. C'est tellement extraordinaire d'un seul coup d'avoir quelque chose de fixe et de le voir bouger qu'on rêve par rapport à ça et qu'il faudrait venir à quelque chose de beaucoup plus simple. Et l'image par image et la prise de vue continue, prise de vue, enregistrement de prise de vue, image par image, enregistrement de prise de vue continue. Enfin, du cinéma, quoi, puisque de toute façon, c'est toujours un 24e. Enfin, voilà, il y a des choses. Et qu'on les fasse, alors même si c'est en continu ou en image, évidemment, c'est pas la même technique, mais quand même, qu'on y réfléchisse un tout petit peu et que qu'on tente maintenant de travailler ça un tout petit peu différemment. Voilà. Puis si. Je vais vous dire une. Arrêtons aussi avec. Il y a aujourd'hui une problématique et moi mes élèves sont tout le temps comme ça des Tumblr et d'internet. Ils sont. En fait, il y a une grande mode, vous savez, des followers. Combien de gens vous suivent? Heureusement, merci Radio Libertaire. Il faut qu'on continue comme ça. Voilà, même si il n'y a pas forcément, on n'est pas à médiamétrie, on ne sait pas si c'est 3, 45 ou 3 millions de personnes ou 50 millions qui nous écoutent. C'est sûrement 50 millions qui nous écoutent. Mais et ça, c'est tellement agréable parce que les followers, forcément, on se dit, oh, il y a tant de gens qui nous suivent, donc il faut faire attention à ça, il faut regarder, il faut. Et ça, c'est une vraie problématique parce que finalement, ça a aucun intérêt. Et je voulais dire une petite critique du Vimeo Staff Pick que beaucoup de gens veulent. Sur internet, oh, le Vimeo Staff Pix, il y a un côté qui fait rêver, voilà, d'avoir ça. On sait même pas qu'il donne réellement. Alors, souvent, c'est les gens, c'est le Staff Pix, mais c'est parce qu'il y en a un qui va dire, ah, tiens, c'est pas mal pour regarder, enfin. Donc, arrêtons un petit peu avec ça. Et pourtant, c'est complètement fou puisque, à côté de ça, il y a, il y a quelque chose qui fait que on est c'est une pression et c'est une dictature quasiment du nombre qui est absolument terrifiante, je trouve, puisque si vous avez le Vimeo Staff Pick, vous allez avoir 1000, 2000, 3000, 5000 vues de plus, donc forcément vous le voulez absolument. Allez, on fait une nouvelle pause et on va écouter la 11 Flobots, je vous avais déjà fait écouter un morceau de Flobots, et là c'est un autre morceau qui s'appelle Anne Braden. Anne Braden, c'était une activiste blanche pour les droits civiques. Et peut-être qu'il serait bien, en ce moment il y a plein de choses et c'est très bien, de dénonciation, etc. Il serait peut-être bien qu'on travaille tous ensemble pour dénoncer ces choses-là et non pas forcément s'opposer, alors que je suis persuadé que beaucoup d'entre nous voulons la même chose. Et ça me trouble toujours quand je vois beaucoup de gens s'opposer sur certaines choses alors qu'on pourrait, encore une fois, aller dans le même sens. Flobots, Anne Braden, on écoute et on vient juste après. À tout de suite. It's the road to liberation. And what really happened in the 60s was that this country took just the first step toward admitting that it had been wrong on race. And creativity burst out in all directions. From the color of the faces in Sunday songs to the hatred they raised all the youngsters on. Once upon a time in this country long ago, she knew there was something wrong because the song said yellow, red, black, and white. Everyone precious in the path of Christ. But what about the daughter of the woman cleaning their house? Wasn't she a child they were singing about? And if Jesus loves us, black and white skin, why didn't her white mother invite them in? When did it become a room for no blacks to step in? How does he already know not to ask the question? Left lasting impressions, adolescence, comforts gone. She never thought things would ever change. But she always knew there was something wrong. Found herself Mississippi bound to help stop the legalized lynching of Mr. Willie McGee. But they couldn't stop it, so they thought that they talked to the governor about what happened and say we're tired of being used as an excuse to kill black men. But the cops wouldn't let them pass, and these women, they struck them as uppity, so they hauled them all off to jail and they called it protective custody. Then from her cell she heard her jailers grumbling about outsiders. When she called them out and said she was from the South, they shouted, why is a nice southern lady making trouble for the governor? She said, I guess I'm not your type of lady, and I guess I'm not your type of southerner. But before you call me traitor, well, it's plain, it's just to say I was a child in Mississippi, but I'm ashamed of it today. She always you're standing within, all of your neighbors and family friends. How would you cope facing the fact the flesh on their hands was tainted with sin? She faced this every day, people she saw on a regular basis, people she loved in several cases, people she knew were incredibly racist. It was painful, but she never stopped loving them, never stopped calling their names, and she never stopped being a southern woman, and she never stopped fighting for change. And she saw that her struggle was in the tradition of ancestors never aware of her. It continues today, the soul of a southerner born of the other America. Is little compared to the effort you put into it. But if you see that as a part of this total movement to build a new world, you know what cathedral you're building when you put your stone in. There is another America. Flobots, donc avec Anne Braden, voilà ce morceau d'il y a quelques années. Ce morceau d'il y a quelques années de Flobots. Allez, toujours quelques petites choses comme ça en vrac. Faut que vous sachiez aussi. Tout à l'heure, je parlais de problématiques, on va dire, de au niveau de la production, etc. Il y a des problèmes au niveau de la distribution aussi. C'est des choses qu'il faut savoir, choses que je répète assez régulièrement. Par exemple, faut que vous sachiez que la problématique de sortir des films est importante. Par exemple, pour le dernier Star Wars, justement, aux États-Unis, Disney avait obligé les salles à avoir le film sur plusieurs écrans. Et enfin, il y avait 4 règles qui étaient mises en place, dont un taux absolument délirant de un pourcentage pour le distributeur. Enfin, c'est assez fou. Et la pression faite sur les cinémas est importante. Le producteur de Zombielennium nous racontait que quand ils ont sorti Zombielennium, il y avait le film Emoji qui sortait en même temps, et qu'il y a plein de salles qu'ils n'ont pas pu avoir. En tout cas, ils n'ont pas eu de grande salle parce que le distributeur d'Emoji, le film ayant pas marché aux États-Unis, a imposé le film aux salles en disant il nous faut les grandes salles pour sortir le film, de manière à ce que le film ait quand même un minimum de succès, on va dire. Forcément, vous vous retrouvez dans ce cas-là, dans les petites salles. Et là, on ne parle pas de qualité des films, ni d'Emoji, ni de Zombielennium. On parle purement, là, d'un seul coup, d'imposer, on va dire, son film et son cinéma. Et donc ça, c'est une véritable problématique qu'il y a, de problème de la distribution. Pourquoi nous n'avons pas, au CNC ou au ministère de la Culture, un spécialiste cinéma d'animation? C'est quand même assez délirant. On pourrait avoir. Moi, j'ai des noms, hein, Francis Gavel. Moi, voilà, il y a des gens comme ça qui pourraient. Mais moi, je suis prêt à rencontrer la ministre de la Culture pour lui proposer Francis Gavel en responsable du cinéma d'animation au CNC. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, je rencontrais quelqu'un encore hier et je ne le. Je ne peux pas dire qui, mais en tout cas qui me reparlait, parce que c'est quelqu'un qui a une petite responsabilité dans une région, et qui me disait c'est pas possible. C'est vrai que quand j'assiste à des comités comme ça, de sélection, de subvention, etc., on se rend compte à quel point les gens sont complètement mais en dehors du monde de l'animation et ont du mal à se projeter dans un film d'animation. Et je pense qu'aussi parce qu'on a personne, des têtes un petit peu hautes, on va dire, qui va expliquer ce que c'est l'animation et qui va défendre le cinéma d'animation. Pendant longtemps, à Clermont-Ferrand, on a par exemple eu Antoine Lopez qui défendait le cinéma d'animation. Non pas que le cinéma d'animation soit pas représenté aujourd'hui, mais je pense qu'il est représenté d'une manière un petit peu différente, et il y a des très belles choses qui passent là-bas, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a plus des personnes qui le défendent. On a des gens, superbe semaine de la critique avec Bernard Payen, vous connaissez, Marie-Pauline Mollaret, enfin voilà, des gens comme ça qui aiment l'animation, en tout cas qui tentent de défendre l'animation. Et encore une fois, moi je suis d'autant plus content, c'est que je suis pas forcément d'accord, on n'est pas toujours d'accord avec Francis, loin de là, mais justement, je pense qu'il faut des gens qui ont envie de défendre notamment un cinéma d'animation dans quelque chose de vraiment large. Donc voilà, ministre de la Culture, CNC, je voulais vous parler des Oscars et des Césars, mais bon, les Oscars, juste pour dire que la liste des 10 est quand même assez ridicule, mais on va pas s'attaquer à ça. On va plutôt écouter autre chose. On va écouter, Third World. On va partir un peu de reggae, j'en passe rarement, avec Prisoner in the Street. C'était l'un des groupes en plus préférés de mon papa, donc je suis content de vous passer Third World. On écoute et on revient juste après. Talking loud and then seeing nothing. Promises can comfort a fool. No more, no more, no more. Lord, I can't find no self-expression, but I can feel that strange reaction. So incredible. Et donc retour après Third World Prisoner in the Street à ce bulle de rêve un peu improvisé. Je voulais juste vous parler rapidement avant de refaire. On va enchaîner un petit peu plus là. Vous m'avez entendu depuis un bout de temps maintenant les pauses musicales. Il me reste encore quelques petites choses à vous faire écouter, qui me ferait plaisir de vous faire écouter. Je voulais juste vous parler évidemment. Les signes du temps, c'est la place du cinéma d'animation aujourd'hui un peu dans le monde. On doit se battre et puis. On doit imposer certaines choses, et puis il y a les médias aussi, et c'est vrai que les médias sont intéressants, mais c'est vrai que ça serait bien de changer certaines choses. Par exemple, il y a eu un Écran Total Animation qui est sorti. Écran Total, hein, qui est le magazine important, voilà, enfin l'un des magazines avec le film français économique important du cinéma, et c'est un peu dommage parce que pour nous montrer autre chose du monde de l'animation, les gens qui sont au moins 4 des personnes, il y en a une dizaine qui sont interrogées, viennent des Gobelins. Lucrèce Andrae vient des Gobelins, Louis Clichy vient des Gobelins, et là Gobé Mervelec vient des Gobelins, et Luce Grosjean vient pas des Gobelins, mais a fait des Gobelins à prod. Donc encore une fois, ne croyez pas que c'est une critique par rapport aux Gobelins, c'est juste la diversité. On a énormément d'écoles, et c'est vrai que il y a ça. Heureusement, on a Pauline Brunner qui a fait Lisa, mais qui est plus là dans l'idée de reprendre ce qu'a fait son père, notamment avec son frère Damien Brunner. Donc voilà, ce qu'ils reprennent. Et il y a marqué, c'est la relève de l'animation française. C'est un petit peu dommage qu'on n'aille pas aussi vers un peu d'autres choses que ça. Petit phénomène aussi assez étonnant, qui est peut-être une nouveauté dans le monde de l'animation. Enfin, il va falloir voir si ça continue. Qui est la phrase de Lucrèce Andrae, qui dit « Je m'étonnais comme défi de faire un court-métrage comme extrait d'un long. La technique et le langage adopté étaient volontairement proches de ceux d'un long-métrage, comme pour un test pour savoir de quoi je serais capable à grande échelle. » Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le monde de l'anime. Avant, les gens faisaient du court-métrage pour du court-métrage. Et aujourd'hui, visiblement, des gens comme Lucrèce Andrae font du court métrage pour aller vers le long métrage, quelque chose qui était avant tout purement de la prise de vue réelle. Et donc c'est assez étonnant d'un seul coup d'avoir cette nouveauté là, on va dire, en tout cas pour nous, dans le monde de l'animation. J'ai plus que des morceaux longs presque quasiment. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller 45, allez, on va en mettre un, on va mettre Ah, et puis en plus je prends du temps, moins on pourra mettre de morceaux, donc c'est un peu ridicule. Allez, on va mettre Higelin, on va rester dans le français, parce que c'est agréable, on va juste faire le minimum. On écoute. Quand tu démarres, le minimum. Juste ce que tu sais faire. Avant de mettre à pleine gomme juste ce que tu sais faire, le minimum. Le minimum. mettre à pleine gomme. Ouh. Juste ce que tu sais faire. Le minimum. Le minimum, Jacques Higelin, peut-être que c'est ce que devraient faire aussi certains réalisateurs d'animation, en faire un peu plus le minimum plutôt justement que d'être trop dans la technique. Permettez-moi juste, j'en profite puisque j'ai jamais eu le temps de le faire, de remercier. Alors c'est pas du tout, c'est pas tellement Bulle de Rêve, mais ça me permet de les remercier finalement là ici à l'antenne, les gens qui ont travaillé, qui ont fait mes bannières sur The Web Anime, mais que j'utilise pour mes cartes de visite. Alors en soi, vous allez dire quel est l'intérêt, mais c'est parce que ils les ont fait gratuitement et c'est très très c'est même plus que gentil de leur part et j'en suis vraiment très fier. Il y a Antoine Lopez du Festival de Clermont-Ferrand dont j'ai déjà parlé, Cédric Villain qui est aussi l'auteur du site et qui a travaillé sur pas mal de choses personnelles, Portrait raté à Sainte-Hélène notamment, sa dernière série Aurore Humanum Est avec toutes les horreurs de ce monde et Dieu sait s'il y en a. Claire Trollet du studio Train-Train, je la remercie. Justine Bulstecker qui est donc une réalisatrice dont je vous ai déjà parlé, qui est déjà venu ici, qui notamment m'avait fait le plaisir de faire ma bannière en écran d'épingle. Donc voilà, merci beaucoup. Marine Blin, qui est aussi du studio Train-Train et qui fait des choses absolument exquises. Et j'espère vraiment qu'elle fera un film bientôt. Valentine Delque, qui est aussi elle venue ici, qui est une ancienne de l'ESAT et qui a fait aussi le travail sur Bulle de Rêve, enfin qui avait fait une illustration sur Bulle de Rêve et Mon Père. Qui avait fait aussi une des illustrations. On va passer à mon avant-dernier morceau que j'ai découvert grâce à Jonathan Hodgson, réalisateur qui est en ce moment même à Lille à Train-Train pour faire son nouveau film, et j'espère que je pourrai vous proposer une interview de lui assez rapidement. Le musicien s'appelle Wild Billy Childish and the Musician of the British Empire. Le morceau s'appelle Thatcher's Children. C'est un morceau évidemment très très politique de la part de Wild Billy Childish, qui est un personnage complètement fou. Je vous conseille de regarder sur internet sa musique. On écoute de suite et on revient après. Merci Nicolas. Thank you. Et voilà, un peu de punk rock enfin de nouveau pour aussi déplorer peut-être le manque de punk, de cinéma punk dans le cinéma d'animation. On est dans un cinéma d'animation qui en effet est tellement, passe tellement par la technique, réfléchit tellement à ça, qui manque enfin d'énergie dans ce cinéma. C'est un cinéma qui est trop réfléchi, c'est un cinéma qui nous emmerde une grande partie du temps à vouloir absolument toujours, toujours réfléchir trop longtemps son plan, réfléchir trop longtemps son mouvement. J'aime aussi bien évidemment ce cinéma-là, mais qu'est-ce qui prend comme temps et qu'est-ce que finalement cette énergie nécessaire, cette énergie qu'on va retrouver dans la musique, qu'on va retrouver dans l'art en général, est perdue une grande partie du temps par des gens, et ça j'aime bien par contre, qui vont prendre 3 semaines pour faire 1 seconde. Ça c'est leur côté, c'est le côté positif de l'animation, c'est ce côté où on s'en fout un peu de ce monde qui va à toute allure, on décide et on décide pas, de toute façon on fait très peu en beaucoup de temps, et ça c'est bon, la bonne chose. La mauvaise chose, c'est que finalement, à force d'y réfléchir, on perd son énergie. Quelqu'un change en 4 ans ou en 2 ans ou même en 1 an. Comment voulez-vous qu'en 1 an, quelqu'un qui commence un film fasse le même 1 an après? On évolue, on se modifie et que forcément, le film ne sera jamais le même. Et ça arrive à plein de gens finalement de perdre cette énergie et de faire des films qui sont tellement différents. J'en vois assez régulièrement. On va finir quasiment cette émission avec. Ah non, je peux finir là-dessus, puisque je disais que on avait un manque de cinéma punk comme forme de réaction à ce qui se passait dans le monde de l'animation. Animateur, encore un effort si vous voulez devenir cinéaste. J'emprunte Omar Kitsad cette phrase. Hein. Je pense que les animateurs, et j'adore l'animation bien évidemment, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et je pense qu'il faut que vous alliez vers un cinéma beaucoup plus riche que vous ne le mettez aujourd'hui. Encore une fois, si on va de David Lean à Takeshi Kitano, en passant par Wong Kar-wai et je ne sais pas, tant de réalisateurs, le cinéma d'animation a besoin d'aller vers ça. Et en plus, il peut aller vers ça. Et il a aujourd'hui les auteurs nécessaires pour aller avec ça. Donc voilà, c'est peut-être mon dernier mot en tout cas par rapport à aujourd'hui. Ça sera vraiment de se dire, vous avez toutes les possibilités d'amener cet art aussi extraordinaire qu'est l'animation vers des nouveaux horizons et vers des nouvelles choses. Fonçons et allons voir ce qui est aussi beau ou en tout cas différent un petit peu plus loin. On va finir par un groupe mythique ESG avec son morceau UFO 1981, qui est l'un des morceaux les plus samplés au monde, et vous allez voir. En 81, là aussi, on est dans quelque chose de très rock et très évidemment engagé. Ça paraît une évidence. Mais bon, ça fait 1h50 que je parle quasiment tout seul, donc voilà, je peux patauger un petit peu plus vers la fin. On écoute ESG UFO. Merci Nicolas. Bulle de rêve sur Radio Libertaire. La dernière, le dernier petit moment. Ses plans, sa mise en scène de cette nature n'est pas que belle, n'est pas là uniquement pour impressionner sur son étendue ou son côté grandiose, mais elle est signifiante de quelque chose de plus grand, de l'appartenance de chacun de ses composantes au tout que forme la Terre et dont l'être humain, fou et prétentieux qu'il est, pense qu'il domine tout cela. Les êtres humains, quand il y en a chez lui, ont compris l'importance de cette appartenance. La beauté esthétique est d'autant plus importante qu'elle traduit, qu'elle formule un sens. C'est un petit texte que j'avais écrit sur une exposition qui m'a marqué, une exposition de Sebastião Salgado, grand photographe. La force de la photographie et de l'art de chez Salgado est assez impressionnante. Quand vous rentrez dans une expo de Salgado, vous avez si elle est bien faite, évidemment, ces photos qui vous entourent, et vous savez là où il y a la futilité de, vous savez, de ces photos là de ce photographe français prise en haut du ciel, la vue en haut du ciel, etc., qui sont jolies mais qui sont là uniquement pour nous dire, pour nous répéter à quel point soi-disant la Terre est belle. Et le problème, c'est pas que la Terre est belle, c'est que la Terre, on fait partie de cette Terre. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a ce recul, je trouve, dans ces photos qu'il n'y a pas chez Salgado. Salgado travaille en gros plan ou en plan très large. Il va jouer sur les contrastes comme ça entre justement ce qui est petit, ce qui est grand. Il va jouer avec ça, il va jouer sur le contraste entre la multitude, ce qui est seul. On va se perdre dans cet espace ou au contraire remplir tout l'espace. Ce jeu avec les contrastes est d'autant plus fort chez Salgado que je pense que le paysage, il le fait bien jouer, tel un acteur. Il va de temps à autre l'amener à l'abstraction, de temps à autre jouer sur les déformations de cette nature, et puis de temps à autre, elle va apparaître encore une fois comme un personnage à part entière pour nous toucher, nous émouvoir ou en tout cas nous faire réagir. Je pense que l'importance du contraste dans l'image, les séparations dans l'image amènent cette force vraiment de la photographie, de la prise de risque quelque part d'un artiste. On a besoin de cette prise de risque que des gens prennent comme ça. On a besoin aussi de ça en animation. Il y en a et donc ces deux heures, j'espère, voilà, qui ont été un peu avec des choses un peu différentes. J'espère ont été pas trop ennuyantes, parce que deux heures à écouter quelqu'un, j'espère que ça va. Il y aura eu en tout cas de la musique. L'idée, et vous l'avez compris, je pense et je l'espère, était de défendre encore une fois ce cinéma et ce cinéma d'animation qu'on aime et que j'aime bien évidemment ici à Bulle de Rêve. J'espère lors de la prochaine émission, elles vont être compliquées. On va avoir Anima qui va se mettre en place, Clermont-Ferrand. Il y a pas mal de choses, le FICAM en mars, donc j'espère pouvoir être là. Mais j'espère sinon, de toute façon, au moins être présent avec des interviews, dont une de Jonathan Oxon qui est prévue, grand réalisateur anglais, qui je pense là, on est lui avec justement quelqu'un qui, par rapport à tout ce que j'ai dit, ne s'intéresse pas qu'à une seule esthétique, mais va dans tous les sens et en tout cas se remet en cause. J'ai peut-être juste m'arrêter là, il est 58. L'idée de se remettre en cause aussi, bien évidemment, je vous l'ai dit et je le répète, c'est tout simplement à un moment donné aussi, moi, d'avoir d'autres personnes autour de la table, et je renouvelle ce que j'ai dit tout le temps, Bulle de Rêve. Voilà, ça fait maintenant des années que je le porte sur les épaules avec un grand plaisir. Je reviens toujours là, mais voilà, j'espère que d'autres personnes aussi, à un moment donné, l'idée, je l'ai dit, c'était un peu de me retirer un tout petit peu tout entre eux, mais de l'animation. Et donc j'aimerais bien aussi qu'il y ait des gens qui viennent et qui m'aident, parce que on ne peut pas. Radio Libertaire nous donne cette possibilité de travailler et d'avoir deux heures sur cinéma animation. Il est impossible de la laisser, ne serait-ce que par cette chance que nous avons, et on ne peut pas râler d'un côté et ne pas continuer cette émission. Voilà, encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. On va longtemps, je me suis réveillé, couché de bonheur, à chaque fois je me plante avec Francis Gavel. Je laisse la place et un grand, grand, grand merci à Nicolas, parce qu'il a encore jonglé avec tous mes morceaux. Donc encore un grand, grand merci à lui et à bientôt. Bye bye.